Chapitre 8e. Les visites. Dans l'après-midi, vers les 3 heures, on annonça Madame la baronne de Neuburg. « Toujours belle, cher ami, » dit-elle à Adrienne en l'embrassant. « Vous êtes d'une fraîcheur à désespérer toutes vos rivales. Dirait-on que vous êtes couché à 4 heures ?»« Décidément, » répondit Adrienne, « je suis votre enfant gâté. »« Dites, mon enfant bien-aimé. » »« Il n'y a que vous, baronne, pour donner des fêtes. » Je me suis amusé comme jamais. Seulement, vous êtes parti trop vite. Tous les jeunes gens s'en sont pleins. Aussitôt après votre départ, il est survenu un froid que je n'ai pu conjurer. À propos, comment trouvez-vous le petit rimeur ? Madame de Neuburg ne put se défendre d'un petit sourire d'ironie. Comment je le trouve ? Un peu moins fat que les autres qui me courtisent, en vérité, comme si je leur donnais ce droit. On le dit fort aimable et surtout fort sentimental. Quand donc l'avez-vous vu pour la première fois ? « Ah, baronne, vous prenez un intérêt excessif à M. d'Erfurt. Notre petite intrigue d'opéra aurait-elle été faite en partie double ?»« Que vous me connaissez peu, Adrienne. J'ai vu de suite au bal dont vous parlez que ce jeune homme vous plaisait, soit que vous l'ayez déjà vu, soit qu'un sentiment indépendant de votre volonté vous poussa vers lui. Je me suis enquise de lui auprès de M. de Narsac et son ami intime. C'est à cause de vous que je l'ai invité. Et vous trouvez mauvais que je m'informe de lui ?» « Non, Adrienne, ce n'est pas lui qui m'intéresse, c'est vous, et je vois que vous l'aimez. »« Je l'aime, moi. Vous l'adorez. »« Madame, et ma nature capricieuse, qu'en faites-vous »« Pourquoi ne pas avoir confiance en moi ? Je veux vous servir. »« Passerez-vous donc votre vie dans le célibat ? Vous êtes marié, c'est vrai, mais de nom seulement. »« Les méchantes langues ont dit... »« Mensonge que tout cela, je le vois. »« Mon Adrienne, vous cherchez un cœur. Vous l'avez trouvé. » Aimez, ma belle enfant. Vous êtes dans la saison de la vie où l'on a besoin de sacrifier à cette passion. Aimez-le. Adorez-le s'il le mérite. Toutefois, défiez-vous de votre amour. Une seconde scène comme celle de cette nuit perdrait tout. Tant que vous n'avez pas aimé, vous vous êtes moqué de l'opinion. Aujourd'hui, vous la craignez parce que vous aimez. Confiez-vous à moi. Je suis une vieille femme. Je suis presque votre mère. Je sauverai les apparences. Et vous pourrez vous livrer en toute sécurité à votre amour, ou plutôt à votre passion, car seul mot, n'est-ce pas ? Les paroles de la baronne avaient un accent de sincérité auquel Adrienne se laissa prendre. Elle allait répondre. Cette réponse eût été « Oui, je l'aime ». Monsieur de Chénois entra. La duchesse parut visiblement contrariée. « Venez-vous nous faire vos adieux, monsieur l'auditeur ?» dit Madame de Neuburg. « Non, madame, je refuse ma mission. »« Vous êtes plus heureux que le roi, qui ne peut pas toujours refuser, » interrompit la jeune femme. « Je ne puis me résoudre à quitter Paris, » répliqua M. de Chénois. « Une passion, » objecta la baronne en appuyant sur ce mot. « Peut-être. Dans quel siècle vivons-nous si l'amour l'emporte sur l'ambition ?» dit gaiement Adrienne. « L'ère de la chevalerie reviendrait-elle ? Moi, je crains bien pour ce pauvre amour que... l'ambition n'est le dessus. Nous ne sommes plus régence. L'Empire y a mis le holà en 1814. » L'auditeur se mordit les lèvres. « Je vous engage fort, » continua la duchesse, « à ne pas faire mentir ma prédiction. D'ailleurs, entre nous, ce serait me donner un démenti et vous êtes trop homme du monde pour en agir ainsi envers une femme. Si M. de Chénois ne suit pas vos conseils, chère duchesse, c'est que vous seule l'en empêcherez. » « Comment ? » reprit étourdiment Adrienne, dont la pensée était déjà loin. « Sans doute, je soupçonne fort vos beaux yeux d'avoir fait de leur coup. »« Baronne, » reprit Adrienne, froissée, « la diplomatie et moi n'aurons jamais rien de commun. »« Fâcheux pour vous, auditeur. »« Les projets de diplomatie de Buckingham ont bien échoué devant Anne d'Autriche. »« Lord Buckingham était plus poète que ministre, n'est-ce pas, ma chère ?»« Son fils a, dit-on, écrit une comédie. » La conversation dura encore quelque temps sur ce ton, puis on parla du bal. Au moment où la baronne allait se retirer, on annonça Gaston. De Chénois, qui s'est enlevé pour saluer la baronne de Neuburg, comptait rester quelques instants avec Adrienne, pâli en voyant le jeune homme. Adrienne reconduisit son ami jusqu'à la porte du salon. « Je vous attends ce soir, nous soupons en petit comité, » lui dit la baronne. Les deux jeunes gens avaient eu le temps de se regarder, de se reconnaître pour se vouer sinon une haine, du moins une inimitié de rival à rival. Chez l'un, il y avait du dédain, chez l'autre, du mépris. Adrienne, qui n'avait jamais reçu Gaston chez elle, qui lui parlait seulement pour la troisième fois, le traita en intime. Lorsqu'elle adressa la parole à Dechesnois, ce fut par convenance. La préférence était trop visible pour qu'un rival ne s'en aperçût pas. L'homme de lettres était l'ami de tous les bals et soirées. L'auditeur avait pris la place du nouveau venu. Monsieur Dechesnois salua Madame de Bussy-Hardin et sortira sans faire aucune attention à Gaston. Irritée de ce qu'elle appelait une grossièreté envers celui qu'elle aimait, la duchesse, de sa voix douce et ironique, lui dit « Surtout, Monsieur Dechesnois, tâchez de ne pas faire de folles entreprises sur une nouvelle Cadis, comme Monsieur de Buckingham. Vous ne m'en voudrez pas de vous citer le duc ministre, c'est vous qui avez commencé. » « Je comptais bien vous voir aujourd'hui, » dit Adrienne à Gaston lorsqu'ils furent seuls. « Quoi, vous m'attendiez ? Je ne dis pas cela. Je dis seulement qu'après votre acte de démence d'hier, vous deviez vous justifier. Ce que vous venez de faire, je crois. Aussi suis-je heureuse d'être seule, car enfin je ne veux pas votre confusion. » Si Adrienne l'eût osé, elle lui embrassait la première. Ses yeux étaient si remplis d'amour. Quant à Gaston, il ne voyait que son Adrienne changée depuis 6 heures. « Me justifier ? De quoi ? » dit-il en s'emparant de la jolie main blanche. « Me justifier de vous aimer, de vous adorer ? Car c'est là tout mon crime. Vous m'aimez donc bien sincèrement ? Si je vous aime, Adrienne ?» Gaston s'était mis aux genoux de la duchesse et plongeait ses yeux dans les siens. « La figure est donc un masque bien menteur, si vous ne voyez pas la vérité dans mon regard. » Comme la veille, Adrienne le laissait parler. Elle aspirait les mots sortant de sa bouche. « Mais vous ne me dites rien, vous de qui je dépends désormais. Vous ne voulez peut-être pas détruire tout d'un coup mon illusion. Vous voulez être humaine, et cependant il faudra qu'un jour je le sache. Que voulez-vous que je vous dise ? Ce que je veux que vous me disiez, » s'écria Gaston, qui s'était relevé et éloigné de la duchesse. « Vous me le demandez ? » continua-t-il, en prenant le mouchoir qu'il avait sur son cœur depuis la nuit. Adrienne n'y tenait plus. « Oui, que voulez-vous que je vous dise ? » murmura-t-elle. « Que je vous aime ? Mais ne l'avez-vous pas deviné ? Mes folies d'hier ne vous ont-elles rien appris ? Ah, tu m'aimes, Adrienne, répète-le, que je l'entende 20 fois, 1000 fois, ce mot qu'aucun autre ne pourrait remplacer. À moi, le monde entier, puisque ton cœur m'appartient. Je savais bien que tu ne pouvais aimer ces têtes vides, ces cerveaux creux, dont tout le talent est de manier une cravache et de conduire un cheval comme les mauvais écuyers du cirque. Je l'avais bien dit, je la retrouverai, cette étoile qui est venue il y a 2 mois illuminer mon ciel gris. Te rappelles-tu la promenade au bois ? Quand je te vis paraître, je crus une fée. J'aurais eu peur de m'approcher de toi, mais à présent, je ne crains rien, tu ne t'évanouiras plus. « Pauvre ami, » interrompit Adrienne, « est-ce que je m'appartiens ? Ne savez-vous pas que je suis mariée ? Était-ce votre mari que vous alliez rejoindre au bois ? » Adrienne se dégagea des bras de son amant, changea de couleur et s'affaissa sur la causeuse. « Ah, que vous m'avez fait de mal !» dit-elle à Gaston en revenant à elle. « Comment ? Ils m'ont flétri jusque dans votre âme, le seul sanctuaire où j'eusse voulu habiter pur. Vous avez cru, vous aussi, ces dépits de femmes jalouses et d'amants évincés. Au fait, pourquoi n'y eussiez-vous pas ajouté foi ? Quelles larmes amères dans la première heure de notre amour ? « Je n'ai rien cru !» s'écria Gaston avec passion. « Ce que je crois, c'est que tu m'aimes. Ta bouche ne saurait mentir. Le présent et l'avenir sont à nous, n'importe le passé. »« Toujours le passé. Gaston, au nom de cet amour dont vous me faites l'aveu, ne parlez jamais du passé. Pour le couvrir d'un voile, il est pur de souillure, quelles que soient les apparences. Quant au présent et à l'avenir, je suis et je serai votre sœur. Ma sœur ? Tu n'as donc pas de nom plus doux ? Mais une sœur, c'est si bon. J'aurais bien voulu en avoir une. Une sœur est votre confidente. On lui dit ses joies et ses douleurs. Gaston, une sœur, c'est bien bon. Vous vous récriez parce que vous n'en avez jamais eu. Si, Adrienne, j'ai une sœur, mais elle est morte. Gaston, vous avez donc déjà connu la souffrance ? Si je l'ai connue, moralement et physiquement. Pour moi, j'ai toujours été heureuse, ou du moins, j'ai cru l'être jusqu'à aujourd'hui. À l'heure qu'il est, nous changeons de rôle. Tu auras le bonheur, la douleur sera pour moi. » Pour la première fois, les deux amants s'embrassèrent. Ce fut un long baiser, le plus délirant que jamais amant se soit donné. C'était le premier qu'Adrienne, cette femme mariée depuis 2 ans, recevait sur les lèvres. « Ton baiser m'a brûlé, » dit-elle à Gaston en portant la main à son cœur.